Hey! On se tente à toi! Tu connais pas un coup, je suis à l'instant! Mais avant ça, faut endurer la fin de cette espèce d'instrumental de guitare-là! C'est fait! Aïe aïe aïe!